Unité 1. Atelier d'expression orale. Demandez poliment. Activité 1. Situation 1. Maman! Maman! Maman! Quoi? Je veux une pomme! C'est quoi le mot magique? Je ne sais pas. Si, tu sais. Abracadabra! Je veux une pomme! Situation 2. Monsieur? Monsieur? Pardon, oh, cher monsieur, excusez-moi de vous déranger. Mais madame, madame, chère madame, bien entendu, que puis-je pour vous? Monsieur, monsieur, monsieur, j'ai une question. Madame, avec plaisir, 2, 3, 20, 40, 60 questions, je vous en prie. Quel jour sommes-nous? Jeudi. Comment? Je dis que nous sommes jeudi. Ah, je vous remercie. De rien.